ASMR Bibibit Making. Elle fait sa vie et c'est la même. Elle sait que l'ambiance est vite gâchée par les problèmes. Et dans sa tour, sa charque, ça coupe tout en lamelle. Elle vient de la zup, elle a déjà deux pieds dans la merde. Dis-moi derrière, c'est dis-moi qu'elle t'a assumé. Aucun de tes potos pour toi qui a assuré. Appelle mariage, mais toi pélo, t'es trop grillé. Tu fais que piaver dans ta tête, tu veux que piner. Tu veux que frimer, elle fait que fouiner. Marre de tout, de ses coups de ciné, Snapchat, Insta, toi t'es trop piqué. Elle a vu tout, tu fais que liker, elle a tout vu. On t'a dit t'es trop tricker. Elle a compris ton bis, ton petit jeu de bâtard. Oh la khira, tu voulais juste te caser. L'amour est mort comme un retour vers le passé. Oh la khira, juste un conseil, sois patient. Parce que tout plaqué d'un seul coup, ça a pas de sens. Si tu persistes, tu vois que l'amour ça rend. Y'a que le halal qui nous préserve ses actions. Les gens bien, je sais pas, ils deviennent mauvais. Regarde ce que t'as, repense plus à ce que t'avais. Peut-être qu'un jour, bah ton pélo va ranger. Là, il en a marre de tout, pour le moment, il veut se venger. Parce qu'au quartier, en ce moment, c'est plus que chaud. La vie du réseau, tu lui dis qu'il faut lâcher. Quitte la khira, tu voulais te caser. Petite akhira, tu veux te marier. Et dans l'akhira, il vit sa vie d'aloca. Et il t'appelle quand il veut, c'est à l'occasion. Oh l'akhira, tu voulais juste